Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 22e numéro du mag. Cette semaine, on va faire comme d'habitude le tour de l'actu télé et ciné du côté des adaptations de comics, mais également le tour des news des comics en VF et en VO. On vous parlera également des dernières annonces concernant le Comic-Con Paris. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 22e numéro du mag. Salut. Et Clément. Salut. On va commencer, comme chaque semaine, par l'actu télé. Et on va commencer avec un casting, puisque du côté de la série Luke Cage de Netflix, ça bouge, puisqu'on a Marvel a confirmé le casting d'Alfred Woodard, qui a joué notamment dans 12 Years a Slave ou Annabelle, et qui va jouer Maria Dillard, en gros une politicienne du côté de Harlem. C'est quand même pas n'importe qui, il suffit de regarder son visage, enfin tout de suite, voilà, vous allez vous dire, celle-là, je l'ai vue quelque part. Desperate, c'est vrai. Donc voilà, bon, un nouveau casting du côté des vilains. Du côté de chez Netflix, on a eu pas mal d'annonces cette semaine. Arnaud, notamment avec Daredevil. Oui, qui est actuellement encore en tournage, et on a appris que Stick, donc c'était le vieil homme dans l'épisode 7, qui avait entraîné Daredevil quand il était gosse, reviendra dans la saison 2 pour cette fois-ci trois nouveaux épisodes. Et c'est pas tout pour Daredevil, puisque Clément. Oui, puisque Drew Goddard, c'est comme ça. Ouais, Drew Goddard sera présent sur la saison 2 de Daredevil. Donc Drew Goddard, c'est le showrunner, c'est ça? Alors c'est compliqué. Ouais, Drew c'est Goddard, parce que j'ai c'était entendu. d'abord le showrunner de Daredevil, qui est ensuite parti après deux épisodes pour aller bosser sur la franchise Spider-Man chez Sony, qui depuis est terminée. Mais il est ensuite remplacé par Steven DeKnight, qui s'est occupé de la saison 1 de Daredevil, qui est ensuite parti parce qu'il avait d'autres projets. Et donc c'est deux autres qui ont repris la saison 2 de Daredevil. Et D'accord. donc apparemment le showrunner d'origine, Drew Goddard, revient sur la saison 2. Okay. Puisque a priori on veut enfin il n'y a plus de Spider-Man. Non, mais je crois que je sais plus si c'était une rumeur ou si c'était annoncé, mais il bossait quand même sur la franchise. Et puis pour terminer du côté de Netflix et pour être complet, on a eu droit à quelques images cette semaine. Les deux premières images pour Luke Cage, les images de tournage où on voit justement Alfred Woodard et merde, comment il s'appelle l'autre vilain? Je sais plus, ils sont deux. Cotton, machin. Et puis on a eu également des images des personnages de Jessica Jones. Et on a pu découvrir la coiffure improbable de l'homme pourpre. Est-ce que t'as vu ça, Clément? Pas du tout. Oh là là, ça vaut le détour. David Tennant a fait un petit brushing. T'as pas un lien, non? Back to the 70s. Là, tout de suite, non. Mais tu regarderas ça plus tard et tu verras que c'est vraiment une crête du plus bel effet. Me Ah bah, c'est le but et je pense que le personnage va t'en vendre aussi. Ah. Côté Et qui série, ouais. est le personnage déjà? L'homme pourpre, c'est un mec assez odieux. Enfin, je t'en dis pas plus si tu verras, mais il est assez horrible comme mec. D'accord, j'aime bien les mecs horribles. Tu vas pas être déçu. On continue dans les séries télé. On va passer du côté d'AMC avec The Walking Dead, puisqu'on a appris cette semaine que Xander Berkeley, qu'on a pu voir dans Nikita, rejoint la saison 6 de The Walking Dead, et plus précisément la deuxième partie de la saison 6 de The Walking Dead. Donc, saison qui va commencer là, bientôt, sur AMC, une fois que Fear the Walking Dead sera terminé. On ne sait pas qui il est. C'est un rôle mystérieux. On sait juste qu'il ne sera pas Negan. Déjà ça. Donc celui qu'on attend tous, on ne sait toujours pas s'il va arriver et qui va le jouer. Pour la faire courte. Bon, toi, Clément, The Walking Dead, on sait, t'as la Ah série. ouais, ah, j'adore ça, mais c'est pas possible, quoi. J'en ai tellement rien à foutre de cette série. Mais d'une force. On va. D'ailleurs, celle qui va suivre Justement, celle qui va suivre, non, on va la garder pour après. On va faire le bouquet final de cette partie télé, ouais, cette news. là oui, là oui. Et je vais te laisser Clément nous annoncer ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les fans Ouais, de Bruce Timm. une très bonne nouvelle. Alors honnêtement, avant de voir cette news, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, comme vous le savez, on a eu plusieurs séries Made in Bruce Timm dans les années, 90-2000, avec Batman, Superman, et on avait notamment eu une série Justice League, donc qui a duré 3-4 saisons, je crois. 4. Quelque chose comme ça. Ouais, 4, qui était d'ailleurs, elle était trop bien, quoi, cette série-là. Et il se trouve que DC, ça doit être la Warner, non? Oui, la Warner. La Warner a annoncé la sortie de Justice League Unlimited, qui va sortir en Blu-ray aux USA. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Justice League Unlimited, c'est la suite, en fait, de la série. Donc, moi, j'en avais jamais entendu. C'est les deux dernières saisons qu'ils ont. En fait, les deux premières saisons de Justice League, c'était juste Justice League. Ouais. 3 et 4, ils l'ont appelé Justice League Unlimited. Ah, d'accord, ok. Ouais, bah c'est non. C'est l'animé Batman où on a eu la New Adventures of Batman, voilà. Pour terminer. Ah, d'accord, ok. Ah oui, c'est là où la Justice League s'agrandit et qui a après tout les suivants. Ouais, mais voilà, donc c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une série que j'adorais regarder dans mon enfance et vraiment la Justice League, quoi. On ne fait pas de doute que ça sortira en France derrière. Ah ouais, bah oui, c'est sûr. On fait plus que Bruce Timm vienne en France. Voilà. Non, c'est trop trop bien. Allez, on termine par le bouquet final. Allez, on y va. La série dont on parle toutes les semaines maintenant, qu'on attend avec grande impatience, c'est bien sûr Supergirl. Après les quelques annonces de super-héros ou de vilains qui allaient arriver, comme la sœur de Lois Lane, leur père, le général Lane, on a aussi appris des méchants comme None et Red Tornado. Enfin, Red Tornado, c'est pas méchant, c'est un allié. Et donc là, on a eu la première image de Red Tornado. Alors, pour rappel, Red Tornado, à la base, c'est un robot créé par Tomorrow. Sauf que là, il semblerait que plutôt que ce soit le Docteur Tomorrow qui va devenir Red Tornado, mais un Red Tornado cheap et, faut l'avouer, limite Power Rangers, hein. Tu vois, c'est le costume est répugnant. Non, mais moi, ça m'a fait un peu penser, on avait eu un moment, il y avait une pub, je sais plus si c'était pour Orangina et Fanta, et le mec était déguisé en Orangina, moi, ça m'a fait penser à ça. c'est ignoble. C'est fou, c'est pensé un peu à la Vision en version cheap. Comme Atom, ah ouais, non, sur mais Iron Man en chip. Non, mais moi, c'est simple. Quand j'ai vu la première fois la photo, j'ai éclaté de rire, quoi. Mais en fait, cette photo est quand même très particulière, parce qu'on se demande si c'est vraiment l'acteur ou si c'est pas juste un truc en argile qu'ils auraient sculpté pour faire une petite maquette. C'est ça. Et qu'ils ont collé 3 bouts de mousse dessus. Parce que c'est le costume, clairement. C'est des feuilles de mousse. Et, oh là là. À voir voir au moment de la scène s'ils ajoutent des effets ou je ne sais quoi. Non, mais c'est horrible. Ça ne sent pas du bon. C'est ça. Alors là, je vais m'adresser au défenseur de la série Supergirl. J'aimerais bien savoir comment vous allez pouvoir défendre cette photo-là, ce costume, parce que c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec les comics d'origine. Non, mais en plus. Une première insulte. Deuxième insulte pour nos yeux, c'est ce costume hideux. Je crois que même Smallville ne faisait pas aussi cheap, quoi. On est sur un niveau à peu près semblable. C'était il y a 12 ans. Ouais, voilà, mais voilà. Là, on est en 2015, avec les effets numériques bien développés, quoique on a vu sur le pilote qui maîtrise pas encore très bien les effets spéciaux, les camions. Avant le coucher, mais... Ça me fait un peu penser au Doomsday version saison 8 de Smallville où le machin c'était digne d'un costume de Power Rangers. Ouais, non. Non, mais c'est honteux. À Doomsday, ce costume. Oh, mais c'est honteux, quoi. Oh là là. Allez, je vous propose de pas donner trop de temps d'antenne à cette série. Et ouais, je suis bien d'accord. Une des nouvelles rubriques de la saison, le trivia de la semaine. Et de quoi va-t-on parler cette semaine? On va parler de quelque chose qui s'est encore, comme la semaine dernière, passé dans les années 80. Décidément, il s'est passé des sacrées choses dans les années 80. Jim Shooter, qui était à l'époque editor-in-chief de Marvel, donc rédacteur en chef, tout simplement, de la boîte dans les années 80, a acheté une idée à un fan de Spider-Man. Il lui a acheté pour $220 l'idée du costume noir. Non. Il y a un fan qui a dû dessiner ou proposer, je ne sais pas, dans un courrier, de faire un costume noir à Spider-Man, et Jim Shooter a acheté cette idée pour $220. Quand on sait que quelques temps plus tard, ce costume va être présenté comme étant un symbiote alien et devenir Venom, $220, c'est pas cher. Le mec s'est fait arnaquer, mais violent, quoi. Oh la vache, je savais pas du tout qu'à la base c'était l'idée d'un fan. Ben, j'ai découvert ça, voilà, en lisant l'article, effectivement. C'est bien un fan qui a proposé ça, enfin, qui a eu cette idée. Et Jim Shooter a sauté sur l'occasion. Il s'est dit 220 dollars, un truc qui peut nous servir. Ça peut être bien cool et vendre plein de jouets. Et puis derrière, en plus, c'est devenu un homme. Voilà, quoi. Bonne affaire. C'est l'un des costumes emblématiques de Spidey en Voilà. La petite histoire, la petite trivia de la semaine. Et on va pouvoir poursuivre avec les actus comics du côté de la VF. Alors, il y a une seule véritable actu comics en VF, et c'est toi, Clément, qui va nous en parler. Ouais, donc la semaine dernière, on avait parlé du Batman Day, donc qui a lieu là aux États-Unis. Et donc Urban Comics a annoncé qu'ils allaient participer au Batman Day. Et donc que je retrouve la date, je crois que c'est le 26 Ouais, septembre. c'est ça. Ouais, le 26 septembre, en fait, on aura juste à se rendre dans nos libraires, et on pourra avoir le premier qui s'appelle l'épisode 1, donc en fait le premier chapitre de la cour du hibou, avec une cover qui n'est ni moins en fait l'affiche teaser de Batman et Superman. Voilà, grand rapport entre les deux. C'est ça, totalement un Pas pour rapport moi, monumental. non. Enfin, Bah, c'est d'ailleurs, grave. j'imagine pas. C'est con, du coup. Par contre, chers auditeurs, si vous souhaitez avoir ce numéro, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans votre libraire. Vous pouvez vous contenter d'entrer dans sa boutique. Parce que quand on Oh! dit rentrer dans le libraire. Oh! Oh Vous rentrez, vous lui demandez poliment, mais normalement, ça devrait passer. Vous n'avez pas besoin de payer de votre personne. Pas de souci. mon Dieu, c'est sale. Clément, essaye de te rattraper avec la flopée d'annonces que nous a fait Oui. Comic Con Paris cette semaine. On va y consacrer un petit peu de temps quand même, parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes. Ah, ouais, et je sais que enfin, moi, la première annonce me plaît, je sais que toi, ça va te plaire aussi. Pas pour rien, c'est leur premier en conducteur. Et ça, bah oui, et t'as eu raison. Donc une annonce, donc là c'est des invités par Glénat. On aura le droit à Elsa Chartier et Thierry Collinet, donc une des nul autres que l'équipe créative de Infinity. Voilà. Donc ça déjà, ça je crois que c'est une bonne raison pour se déplacer. C'est ça. L'annonce a été relayée également par Comixology, donc je pense que Comixology est aussi dans l'histoire, parce qu'il va y avoir des panels organisés Ouais. par Comixology. Donc ça va être. Donc ça, c'est déjà l'une des très bonnes annonces. C'est ça. Ensuite, du côté de Panini. Donc Panini a invité Matteo Loli, donc qui a dessiné Deadpool Massacre, les classiques, Hawkeye vs Deadpool et Deadpool Secret World. Donc je connaissais une boîte, enfin, je sais pas si ça C'est un vaut, mais bon. dessinateur européen. Voilà, c'est ça. Ensuite, là, ça promet d'être, je pense, l'un des moments forts de cette Comic Con Paris. Bon, ça a été dit que Frank Miller serait invité à la Comic Con. Ça serait même, on va dire, le grand L'invité nom d'honneur. de l'invité d'honneur de cette première édition. Et ben, comme Frank Miller est là, ben, il a invité, hein, pas n'importe qui, Brian Azzarello, pour un panel sur Dark Knight Trilogy. Donc voilà. On coïncidera à peu près à la sortie du premier numéro. C'est ça. Ce sera l'occasion de Donc jamais d'en parler. c'est ça. Donc c'est bon. On enlève, hein, on en parlait en off. Bon, si on enlève le fait que Dark Knight Trilogy, Brian Azzarello et Frank Miller dans une même Comic Con, c'est quand même du lourd, hein. C'est ça. Et à Paris en plus. Et à Paris. Bien plus. Quand on sait qu'on a un Brian Michael Bendis qui se déplace aussi. Enfin voilà. Ouais. Il y a la Ouais. New York Comic Con, pas longtemps après, je crois. Ah, Ou bon. avant. New York, c'est juste avant. C'est Quand ça. même, j'arrive à avoir de beaux noms quand même. Et donc, puisqu'on est toujours dans les panels, donc le parrain de cette première édition, c'est Louis Le Terrier, à qui l'on doit, j'essaie de trouver un autre verbe pour qualifier le film, à qui l'on doit l'incroyable Hulk. Eh bien, ça c'était prévisible, on aura un panel sur la carrière mauvaise de Louis Le Terrier. Voilà. Incredible Hulk est pas le pire du film. Ouais, apparemment, enfin moi j'ai vu que celui-là. Il se défend bien par rapport aux autres. Oui, apparemment, c'est pas Louis Le Terrier pas réputé pour ses grands films, quoi. Bah, le choc des titans, voilà. Voilà. Je pensais à ça aussi. On vient de se faire un Donc, ami ce soir. de quoi? On vient donc de se faire un ami. Exactement. Il y en a un Puisqu'on autre est de nos amis qui va recevoir un prix même. Ouais, c'est ça exactement. Puisqu'on est dans la mise en avant des, enfin, j'allais dire grands auteurs, pour le qui C'est même pas un arrive, grand auteur quand même. c'est ça. Oui, non, je pensais que tu parlais de William Terrier, c'est Ah pour ça non. que... c'est pour ça que grand, là, oui, c'est quand même un grand auteur, même si on enlève l'idéologie qui est derrière, donc, Frank Miller, invité d'honneur, et ben, il recevra le prix du Comic Con Paris. Donc, c'est pas surprenant non plus, hein, mais ça fera venir certainement du monde avec ça. Et toujours dans, bah, tu parlais de Brian Bendis, et bah effectivement, non seulement il sera là, mais en plus de ça, et bah il y aura un panel consacré à son travail. Voilà, donc ça veut dire un panel où on va parler de Daredevil, où on va parler d'Alias. C'est quand même une période assez intéressante pour en parler. Ouais. Bon, on va aussi devoir parler de tout le reste, au New X-Men, Gardien. des Gardiens de la Galaxie, enfin bah, toutes les merveilles qu'il a pondues ces dernières années. Pourquoi pas? Non, ça peut être intéressant d'avoir au moins. Ouais, ça peut être C'est la intéressant. première fois qu'il vient en France pour parler de ça. Du Il coup. n'était pas venu l'année dernière? Ah non. Ah Il n'est non, pas c'était eu un l'année autre. dernière de Comic-Con. Non, Non, mais il me semblait qu'il n'y avait pas eu un. Ah, j'étais déjà il n'y persuadé. avait pas eu de Bendy, c'est vraiment une Non, première pour lui. non. D'accord, oui, c'est une première. Je sais pas si c'est une première en Europe, mais encore une première en France. Toujours dans les venues. Donc là, c'est du côté acteur. Donc, qui n'est pas inconnu, hein. Il a joué notamment dans X-Men, je crois qu'il avait joué, comment s'appelait une série récemment, dont je ne sais plus le nom, mais c'est pas grave. Following. Oui, Following, c'est ça. Donc, on aura le droit à un panel avec Sean R. Ashmore. Et donc, apparemment, ce sera un panel durant lequel on va nous annoncer des surprises. Alors, il y aura des surprises. Voilà, on nous annonce qu'il y aura des surprises. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme surprise? Une petite vidéo. Il vient de la franchise Peut-être. X-Men. Il y a des choses qui Ouais. arrivent sur le séchier des X-Men. Ouais. Voilà. Je vois Peut-être. pas du tout. Je vois pas Ça du tout ce que peut ça peut être. être le genre de surprise. Après, je vois pas aucune. Sinon, ouais, je pense. Pour qu'il l'annonce, c'est que forcément, il y aura quelque chose d'assez. C'est assez important. Assez pour attirer, parce que c'est pas non plus un très grand acteur, et tout le monde va pas sauter sur son Ouais, panel. à mon avis, ça serait, oui, ce serait du Donc c'est côté pour de ça, X-Men. on sait qu'il y aurait des Peut-être. surprises, une vidéo, on a compris. Bon, on aurait peut-être Il y la. aura peut-être plusieurs vidéos. Parce qu'il y a New York Comic Con juste 2 semaines avant, donc pourquoi pas un trailer pour Ouais, c'est ce que j'allais dire, un trailer Voilà, est-ce que j'ai en quelques avant-première. 2-3 images en plus, et puis Voilà, voilà. sur grand Ouais, écran, c'est ça peut ça. être sympa. S'ils veulent marquer le coup, ça peut être un truc comme ça. Allez, on Donc, continue, il reste encore quelques annonces, on arrive c'est au bout. ça. On arrive au bout. Beaucoup, mais on arrive au bout. Donc là, c'est, tu parlais tout à l'heure de Comixology. Donc, on aura deux panels par leur soir. Voilà. Voilà. Donc, avec Donc, des c'est grands pas. acteurs du milieu des comics, on nous ont-ils dit, dont les deux prochains invités, ne sont autres, j'ai arrivé à faire cette phrase, que Matt Fraction et Kelly Sue DeConnick. Matt Fraction, Hawkeye, pour citer que ça, et Kelly Sue DeConnick, présidée chez Glénat, depuis D'accord. Captain Marvel. Puis Attraction sur Sex Criminals, toujours chez Glénat. Aussi. Donc, on a quand même encore deux grands noms, donc on a Matt Fraction, Kelly Sue DeConnick, je crois. Ryan Bendis, Elsa Chartier, Pierrick Collinet. C'est quand même. Gros. Ça commence à faire une belle affiche tout ça. C'est ça. Du côté de chez Marvel Panini, hein, parce que Matteo Loli, j'ai envie de dire Loli LOL. Voilà. Marvel pourra se rattraper avec une petite exclue, Clément. Oui, donc là, une présentation en exclusivité des images de la série Guardians of the Galaxy qui va arriver en 2016 sur Disney XD. Voilà. Voilà. Et puis on aura également 26 minutes exclusives de Marvel Univers, qui est le dernier projet de Philippe Gage, Philippe Roure et Joachim Landau. Philippe Gage et Philippe Roure qui sont derrière Marvel Renaissance. D'accord. Voilà pour les news du côté de l'AVF. Je vais profiter de ce petit passage entre deux rubriques pour introduire Léo dans la conversation. Bonjour Léo. Hello. Salut. Et on va passer à la question de la semaine. On vous avait promis la semaine dernière. La question de la semaine est toute bête. Que pensez-vous du run de Scott Snyder sur Batman? On ne va pas donner les chiffres des réponses des auditeurs pour le moment, qui sont assez éloquents. On va se contenter de donner d'abord notre avis pour ceux qui suivent hein, cette série, évidemment. Et on va commencer à aller dans l'alphabétique Arnaud. Bon, bien sûr, j'ai commencé avec la cour des goûts, j'adorais. Et puis petit à petit, j'ai commencé un peu à un DLC, et pour tout dire, j'ai complètement arrêté maintenant. Donc je pense que ça parle de soi-même, hein. J'ai complètement arrêté de lire son run qui m'ennuyait complètement. Clément? Moi, à l'inverse, je continue à le lire. Clairement. Donc, ouais, vous savez. Est-ce que tu aimes? Ouais, moi, le début, hein, de quoi? Clément est un peu baso. Non. Objectivement, j'avais beaucoup aimé le début de son run, donc sur toute la partie de The Copper Hall, donc à peu près sur un an et demi. Black Mirror, le vrai début de son run, c'est Black Mirror. Oui, Black Mirror. Du coup, c'est vrai, j'avais incroyable, moi j'avais un reflet pour les lecteurs ouais, VR. J'avais commencé à lire vraiment Snyder à partir de son run de ce qu'il a fait sur Batman, vraiment le titre, et je l'ai découvert comme ça, même si effectivement Black Mirror est excellent. Ouais, le début de The Court of Owls et The Night of Owls m'avait beaucoup plu, hein. J'avais considéré que c'était vraiment l'un des meilleurs comics que j'ai pu lire, et c'est vrai qu'au fil au petit à petit on a perdu en qualité avec un The Death in the Family qui a été quand même très très décevant quand même. Très décevant. Et puis là vraiment ça a été je trouve le gros problème, ça a été Zéro Lire, où on a vendu ça comme quelque chose de révolutionnaire, et finalement pas tant que ça. Moi ça m'a pas marqué que ça, et ça a été surtout un arc beaucoup beaucoup beaucoup trop long. Ça paraît normal. C'est pas le seul à mon avis, parce que franchement c'est pas le seul, c'était beaucoup trop long. Moi c'est vrai que j'ai continué par curiosité, parce que je voulais voir ce que ça allait amener, parce que je pouvais pas arrêter. Et puis c'est vrai que j'ai eu un petit soupçon d'espoir avec Endgame, où là j'ai retrouvé quand même ce que j'aimais chez Snyder. Et là en ce moment l'arc me suscite beaucoup plus d'intérêt qu'auparavant, donc même si effectivement il fait vraiment vraiment ce qu'il veut avec Batman, son Batman, certains ont vraiment critiqué la tournure que le titre a pris, c'est vrai que c'est quelque chose de très surprenant, mais voilà, je retrouve le Snyder que j'aimais au début, où il créait quelque chose vraiment d'intéressant. Donc on va dire un run qui a commencé en apothéose, qui s'est ensuite effondré, et là qui ressuscite petit à petit d'intérêt, même si je considère que en l'état, depuis maintenant plusieurs mois, voire même un an ou deux, c'est plus tellement Batman qui est le meilleur titre du Batverse, ça restait Batman and Robin, et en ce moment du coup Robin sera plus Batman. Voilà. Léo, est-ce que tu suis un peu ce run de Scott Snyder sur Batman ou pas? Non, désolé, je suis pas à jour. J'ai vu par contre qu'en effet il y avait ce run, mais j'ai pas vraiment eu le temps de m'y intéresser. Ok. Moi évidemment, Black Mirror incroyable, la cour de hibou, voilà, presque du génie, sauf la dernière page. C'était comment mieux démarrer un run que ça? C'est pas possible. Et puis après, le numéro du retour du Joker dans le commissariat qui est une claque. Ouais. Et puis la suite de Death of the Family, on se dit merde, il nous a fait des promesses et on n'a pas grand-chose au final. Au final, on n'a pas grand-chose. On a eu beaucoup de promesses et pas grand-chose. Pour Zero Year, on a eu beaucoup de promesses et pas grand-chose. Pour Endgame, on a eu beaucoup de promesses et pas grand-chose. Et j'ai l'impression que c'est comme ça à chaque fois maintenant. C'est qu'on va nous commencer, il va nous commencer un arc d'une manière incroyable, parce que même Endgame, hein, ça commence quand même avec une confrontation avec la Justice League. Ouais. Tu comprends rien de ce qui se passe. Tu te dis mais qu'est-ce que voilà. Il y a vraiment. Et puis après, ça continue avec des révélations. Encore le Joker hein, qui nous fait des révélations incroyables. Et derrière rien. Et ça nous conduit à ce renouveau de Batman avec le Bat-robot aux oreilles de lapin. Et puis, sérieux? Et puis là t'es plus dans Batman. Enfin c'est plus Batman, c'est autre chose, mais c'est plus Batman. Et alors oui, une fois digéré le truc, il paraît que alors ça s'améliore et que voilà. Oui. Non vraiment. Je vais continuer parce que ça reste Batman et que. Mais je vais pas lire parce que c'est Batman de Snyder et je vais sûrement pas le lire immédiatement. Je quand ça sortira en VF ou quand je trouverai un TP pas cher. Point. Mais là, tu disais, il paraît que, mais c'est vrai que la Snyder essaie de faire quelque chose. Il essaye, je dirais pas autonomie parce qu'il est supposé l'avoir déjà fait avec Zero Year, mais il essaye En gros, est-ce que n'importe qui peut vraiment être Batman, et est-ce que et voilà, est-ce que n'importe qui peut être Batman? Donc Est-ce que n'importe qui peut écrire Batman? oui, aussi. Avec un ego de sa taille. C'est vrai que Parce que c'est quand même le mec qui fait tout. Tout est autour de lui. Enfin, Batman, c'est son Batman. Il veut nous faire oublier qu'il y a eu tout le reste avant, en écrivant son Batman, cette espèce de version absolue et indiscutable. Ben non, non. Monsieur dirige la franchise Batman, donc tous les autres doivent être à ses ordres et suivre ce qu'il fait et le rejoindre sur des crossovers souvent douteux qui mettent en plus en cause des arcs intéressants dans les séries en c'est question. Voilà, c'est bon. Oui, t'écris Batman, mec, mais c'est vrai, ouais, t'écris juste Batman, t'es pas président, je sais pas quoi, quoi. Stop. Donc bon, voilà, c'est vraiment ce côté-là qui me dérange chez lui, et puis ce côté promesse, promesse. Voilà, on te vend du rêve pendant un numéro ou deux au début de l'arc pour que tu accroches tout l'arc et que t'ailles le lire jusqu'au bout. Et au final, bah, ça fait 3 fois de suite que ça tombe et qu'il y a rien, quoi. ça, c'est un pétard mouillé. Voilà. Les auditeurs ont voté sur le site Comic Stories. Les propositions étaient le run de Batman sur Snyder, une lente descente aux enfers, un futur run de légende, nul depuis le début, ou Bat-quoi? Vous avez été 2,5% à nous répondre Bat-quoi? 16% à répondre nul depuis le début. Oh non. 37,5% à penser que c'est un futur run de légende. Et 45% à nous dire que c'est une lente descente aux enfers. Ah ouais, quand même. Donc si on cumule les 45% de déçus aux 16% qui pensent que c'est nul depuis le début, on arrive quand même à plus de 60% de personnes qui sont pas satisfaites de ce run-là. Peut-être temps de changer. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Effectivement, Snyder, c'est quelqu'un qui a été beaucoup encensé au début et qui, bah, on le voit bien de plus en plus. Est écrit, et on va le voir avec Robin Noir prochainement. Ah oui, enfin. C'est quelque chose qui ne vient pas de lui. Ça vient de qui? Bah, ça vient de mince, qui va être derrière Robin Noir. Bah, du coup, tu me Bah c'est... J'étais à la PCE l'année dernière. Automatique? Non. Non, pas l'année dernière, il y a 2 ans. Bermeron? Non. Ouais, si, c'était lui qui écrivait. Oui, il est dessus, mais c'est pas lui qui a la tête. Enfin bref, voilà. Robin Noir, c'est quelque chose qui vient pas de Snyder. Et puis dans le pitch en plus, enfin en gros, c'est Robin revient à Gotham. Il s'aperçoit que Batman n'est plus qui il était, que enfin voilà, que tout a changé et que en gros, il est pas content. Wow, ça vend du rêve. Voilà ce qu'on a pu lire dans les sollicitations. Bref. On va passer sur cette question de la semaine. Vous aurez une nouvelle question bah, dès demain lundi, donc dès hier, pour ceux qui nous écoutaient mardi, sur le site disponible jusqu'à dimanche, et on y répondra bien sûr dans le prochain mag. Et on va passer et accélérer un petit peu, on va passer à l'actu ciné, avec bonne nouvelle pour le film Gambit. Un film qui a fait rêver tout le monde. C'était il y a quelques semaines, on a appris déjà que, enfin, il y avait des rumeurs comme quoi Channing Tatum, la star du film, voulait se barrer. Tout ça, c'était pour, en fait, une manœuvre pour faire augmenter son salaire. Et là, finalement, on a appris que quelqu'un d'autre quittait le projet, mais cette fois-ci, c'est bel et bien un départ et pas une tentative pour une augmentation. C'est tout simplement le réalisateur du film, Rupert Wyatt, qui avait bossé sur le deuxième film de La Planète des Singes, là, depuis le reboot. Et donc, il quitte le film à cause, soi-disant, d'un problème d'emploi du temps. Car le tournage qui devait avoir lieu là, dans les mois prochains, a été repoussé à mars 2016, ce qui est quand même assez tard pour un film qui doit sortir en octobre 2016. Ok, oui, c'est mauvais. Ouais, donc il est probable qu'il y ait du retard et qu'il arrive plutôt, je pense, début 2017. Donc un film qui déjà ne faisait pas grand envie, qui là en plus... Grand envie, enfin moi le personnage de Gambit quand même, j'ai bien envie de le voir sur le grand écran. Après, Ouais. On l'a déjà vu sur grand écran. ouais, mais de le voir en vrai. Enfin, c'est ce que je veux dire. Ouais. Ils prennent leur temps sur ce projet, hein. Ça fait longtemps que c'est évoqué que Channing Tatum pourrait être Gambit, etc. Il a mis Oui. 2 ans à nous dire qu'il serait le rôle titre. Il a finalement eu le rôle titre. Et là, finalement, le réalisateur se barre. Enfin, ils vont mettre vraiment beaucoup, beaucoup de temps avant de sortir. Et c'est même pas garanti que ce soit un truc génialissime, en effet. Ça fait près de 10 ans, je crois, qu'il essaye de monter son projet. En tout cas, ça fait au moins 7-8 ans qu'on a des rumeurs de Channing Tatum en développement sur le film. Et finalement, une fois que la machine est sur le point d'être lancée, tout est stoppé pour trouver quelqu'un qui va être le grand maître du film. Et donc, c'est pas gagné là. À suivre, de toute façon, on n'a pas fini d'entendre des rebondissements autour de ce film, on attend maintenant le changement de date. C'est ça. On va rester dans l'univers de la Fox et des X-Men. Clément, tu vas nous parler de quelque chose qui nous a été annoncé concernant Ouais. C'est loin l'univers d'être une partagé. surprise, hein. Oui, voilà, un univers partagé, mais quand on sait que le studio de la Fox a Deadpool, Gambit, X-Men, bah voilà, hein, c'est pas, ça a été officialisé, mais je pense que enfin, ne pas faire d'erreur en disant que tout le monde s'en doutait, effectivement, Gambit et Deadpool sera dans le même univers que les films X-Men. Voilà. Voilà. Ils avaient annoncé ça pour les quatre fantastiques, et quand le film a fait un bide, ils ont dit non, non, finalement, Ouais, on on parle n'a jamais dit ça, donc à Deadpool, voir je avec pense pas qu'il Gambit va faire un... si ce soir au Oui, bout. avec Gambit, honnêtement, Deadpool, je pense pas qu'il va faire un... Je pense pas, il fera pas un bide. Non. Non, non, il y a eu un, quand même un buzz très positif Il dépassera avec... pas les X-Men, mais il fera. Non, mais je pense qu'il aura son succès, ça Oui, c'est c'est sûr, clair. certain, c'est sûr. Ça c'est sûr. On va rester sur la Fox puisque tu parlais de la Fox, Clément, et de son univers partagé. Et Arnaud, tu as rebondi en disant que Fantastic Four était peut-être dans le même univers et que finalement non. On aimerait tous hein, que Fantastic Four n'ait jamais existé. On Les aimerait trois que... films, hein. Les Oui, trois les films. trois. Alors, les Les trois. quatre, hein. Oui, il y en a un Les autre. quatre, oui, c'est vrai. Il y en a un Ah qui est oui, jamais c'est vrai. sorti. Bah, peut-être qu'il était bien celui-là. C'était peut-être Si celui-là, le beau, bon. si kitsch. Oh merde. Du coup, on se dit que c'est mort pour Fantastic Four. Bah, Simon Kingberg, pour lui, c'est pas si mort que ça. Et il se prend à rêver et à imaginer une suite à ce film. Ah bah, Alors les espoirs sont permis. il confesse hein, qu'il était évidemment déçu de l'accueil du film. En même temps, pour être What content, did voilà. Comment veux-tu être content de ça? Mais c'est pas pour autant que il n'imagine pas qu'il puisse y avoir une suite et que les Fantastic Four puissent revenir. Enfin voilà. enfin, ça paraît peu probable. Ouais, vu comment le film. Actuellement, au box-office, de ce que je suis en train de regarder, au 8 septembre 2015, le film a fait dans le monde 155,5 millions de dollars. Donc ils sont rentrés dans leurs frais. Ça a été remboursé récemment. Ils ont remboursé le budget enfin. Ouais, Enfin, à ouais. ça, il faut rajouter la publicité. Ça, c'est le budget du Ouais. film, rajouter la publicité. Ouais, mais ils sont rentrés à peu Sinon, près c'est dans pas leurs frais, rentable. quoi. Donc au final, il n'est pas rentable. Non, non, non, il va pas être très, très, très rentable, c'est Il sûr. va même pas être rentable. Parce que tous les spots télé, les trucs, les affichages partout, enfin voilà, ils ont quand même matraqué sur ce film. Et quand tu fais un film, t'espères avoir plus que le budget que t'as dépensé. Ce qui sera pas le cas là. Ils vont même sans doute perdre de l'argent. Parce que derrière, faut payer une sortie DVD. Qui va aller acheter ça? Elle a toujours pas été annoncée, hein. Il me semble. C'est pas très grave, hein. Non, c'est pas très On grave. s'en passera. Non. On Allez, on va l'achètera à passer. 1 € en occasion, en Oui, gros. c'est ça. Et encore, je Mais sais même bah pas si attends, pour l'acheter en occasion, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'ait déjà acheté avant. c'est ça. Et je sais même pas si le machin pas vaut de payer un Non, euro, ça c'est le cadeau pourri à Noël, ça. quoi. T'aimes pas Quand on fait quelqu'un? ça, tu sais qu'on t'aime pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bam! T'aimes pas quelqu'un? Tu lui offres les quatre fantastiques. Allez, bim. C'est voilà, le film Fantastic Four, c'est le nouveau pull-over avec un renne. Ça. Et le petit mug qui va avec C'est pour ça. les chaudes soirées de Noël. Putain. Un spécialiste. On va arrêter avant de dévier. Parce Mais que Clément n'attend que ça, je le sens bien. non, mais tout de suite, moi. On va rester hein, du côté de Marvel pour encore un film. C'est Doctor Strange. Pardon. Oui, bah, comme toujours, il y a énormément de rumeurs autour des films Marvel. Et donc, il y a quelques semaines, un bon mois, il me semble, il y avait une rumeur de Rachel McAdams face à Benedict Cumberbatch dans le film. Et Marvel n'a toujours pas officialisé la nouvelle, mais l'actrice l'a elle-même confirmé dans un festival, j'ai oublié quel festival, mais elle a annoncé dans un festival qu'elle jouait bien face à Benedict Cumberbatch. Sans avouer son rôle. C'était au festival de Toronto, du festival du film de Toronto. Mais elle a pas avoué quel rôle elle aurait. Et dans mes souvenirs, il me semble que la rumeur disait qu'elle pourrait être le love interest de Doctor Strange. Probablement. Ce qui passerait très bien, puisqu'après avoir séduit Robert Downey Jr., elle séduirait un autre Sherlock. Ça lui irait bien. Pourquoi pas. Après, du coup, Marvel Studios aime pas trop qu'on leur coupe l'herbe sous le pied concernant les annonces et tout. Je serais pas étonné que dans quelques semaines on apprenne que finalement elle sera pas dedans. C'est déjà arrivé. Oui. Bah déjà avec Spidey, il paraît que il y avait un des acteurs qui avait dit, oh, je suis quasiment sûr d'être pris Et bah, du coup. finalement il était plus dans les dernières sélections. On va passer de l'autre côté, de Marvel à DC, pour deux annonces qui font plaisir. Un film Booster Gold Blue Beetle, en développement, officialisé, hein, pour le développement de ce film, avec Greg Berlanti aux commandes. Greg Berlanti à la production, mais aussi à la réalisation de ce film. On n'en sait pas plus pour le moment. Après, Booster Gold, Blue Beetle sont des personnages assez populaires parmi les fans de DC, donc voilà, ils devraient avoir droit à leur version. Ouais. Version cinéma, ça reste un film en développement. Après, voilà, il y a encore plein d'étapes. Puis autant il a fait Berlanti a fait Arrow et Flash qui sont de bonnes séries. Enfin, Arrow. Alors on va pas refaire le débat. Mais au niveau cinéma, il a pas non plus une très grande carrière. Faut rappeler qu'il est derrière Green Lantern. Ah Ah oui, comme tu dis. Et puis une nouvelle, oui, une bonne nouvelle parce que enfin, Clément. oui, enfin, donc ça y est, le moment que nous attendions tous. 76 ans après. 76 ans après, Bill Finger est enfin crédité aux côtés de Bob Kane. Enfin. Voilà, donc ça sera pour le moment dans la série Gotham et dans le film Batman v Superman, on aura Batman created by Bob Kane and Bill Finger. Youpi. Alléluia. Donc après, est-ce que ça sera le cas dans les futures productions concernant Batman? J'en doute pas trop, hein, maintenant que l'accord a été trouvé. Voilà. Et puis, ce n'est Pourquoi est-ce qu'il n'était pas crédité? Parce que en fait, Bob Kane, au moment de la signature de contrat avec DC, il y a plus de 75 ans maintenant, Bob Kane s'était arrangé pour que dans le document, dans le contrat, il soit stipulé qu'en fait, seul son nom apparaîtrait. Ah, mais quelle bâtard! Ah oui, d'accord. Alors, Voilà. D'où l'intérêt de lire C'est toujours les l'ancêtre contrats. de Snyder, en fait. Ah, le salaud. Voilà, donc du coup, voilà, il y a eu une petite magouille comme ça, et du coup, bah, depuis, on a que Bob Kane qui apparaît, alors qu'on sait que Bill Finger était au moins autant responsable que lui, et voilà. Du coup, N'y a plus qu'à espérer qu'il fasse la même chose dans les comics. Ça serait pas mal, mais on n'en est pas là. Après, ce qui me peine un peu, c'est que du coup, la première apparition du nom de Bill Finger au crédit de Batman, bah, ça Jean Gotham. c'est pas vraiment pas lui rendre hommage. C'est-à-dire que sa Non. création, et ben voilà, saccagée, et ben c'est là que son nom apparaît. C'est bien? Ah là là, de quoi saluer sa mémoire. S'il nous entend depuis l'outre-tombe, c'est ça. Pardonne-nous. Non, enfin, pardonne-les où de regarder Gotham. Pardonne-les surtout. Ouais, non, et pardonnez-les où de finir Alors, on est par trois ici à Gotham. avoir regardé Gotham début de la saison 2, hein, puisqu'on en parle jeudi sur nos écrans. Ah, Maso, tu vous êtes maso, ouais, c'est ça. Avec joie, bonne Et humeur. je te conseille peut-être d'écouter l'émission. Il devrait y avoir des Je sais pas surprises. pourquoi, je sens que vous m'avez rendu hommage, mais je sais pas Non, je pourquoi. sens qu'il y aura des surprises. On continue. Programme de ce mag avec le comics de la semaine. Je vais juste vous en dire deux mots. C'est Journeys to Star Wars, The Force Awakens, Shattered Empire numéro 1. Ça y est. Tout simplement le premier numéro de cette mini-série en quatre parties qui est censé faire le pont entre l'épisode 6 de Star Wars, le retour du Jedi, et l'épisode 7, le réveil de la Force. Donc quatre épisodes. Le premier est sorti là, il y a moins de 2 semaines, par Greg Rucka au scénario, Marco Cecchetto au dessin, avec des couleurs d'Andrés Mossa. Shattered Empire, enfin le premier numéro reprend au milieu de la bataille finale de l'épisode 6, avec la destruction de la deuxième étoile noire, et on va suivre deux personnes qui font partie de l'escadron de pilotes qui font partie de cette expédition pour détruire la deuxième étoile noire. On va les suivre eux, et on va voir un peu cette bataille de leur point de vue, et puis on va rapidement arriver à la fête, la fameuse fête qu'on voit à la fin là, sur la planète des Ewoks, sur Andorre, et puis on va voir ce qui se passe après la fête, ce qu'on attend tous en fait. Qu'est-ce qui se passe après cette fête? Et ben après cette fête, et ben c'est reparti parce que les rebelles ont trouvé une base impériale qui est toujours en activité malgré la destruction de cette étoile noire. On se doute bien, hein, que c'est pas parce que cette deuxième étoile noire est détruite et que l'empereur a été défait que il n'y a pas encore des bases impériales actives. Et bah, il y en a une, voilà. Et du coup, ils vont donner l'assaut dès le lendemain matin de cette fête. Oh là, cette bourrée. Ouh. Et du coup, voilà, ils vont attaquer cette base. Il y a les deux fameux pilotes qu'on a suivis dans la bataille d'Endor qui vont être de la partie. Je vous dis pas comment ça se termine. C'est l'assaut se termine vers la fin du numéro. Voilà, sachez juste que la dernière réplique quand même de ce numéro, c'est quand même une réplique qui fait plaisir, puisque c'est Han Solo qui dit It's not over yet. Oh. Donc tous les petits fans de Star Wars que nous sommes attendaient quelque chose comme ça. Enfin voilà, bah non, c'est pas fini, ça continue. Ben voilà, ça Ah, mais continue. Alors, c'est ça a l'air vraiment bien Star Wars on a encore en trois fait. numéros pour découvrir, Effectivement. bah pour faire le lien jusqu'au qui se déroule quand même plusieurs dizaines d'années plus tard. Ça commence bien, effectivement, graphiquement, Cheto, c'est super beau, vraiment. Il nous fait des scènes de bataille assez incroyables. Et puis niveau du scénario, bon, alors certes, il y a presque la moitié du comics qui traite finalement d'événements qu'on a déjà vus dans le film, mais vus du point de vue d'autres personnes. Oui, Donc ça veut donc. dire qu'on va voir dans un fond de case, effectivement, Han Solo, Luke et tout ça qui font la fête et compagnie, bah, avec Lando et tout ça, enfin les images emblématiques quoi du film, de la fin du film. Mais on va les voir de loin, vus par d'autres. Donc du coup, c'est assez sympa. Et du coup, là, on nous introduit deux personnages qui, à coup sûr, auront un impact pour le film, puisqu'on n'insisterait pas sur ces deux pilotes C'est sans sûr. raison. Voilà. Donc, qui sont-ils? Est-ce qu'on va les voir dans le film ou est-ce qu'on va voir leurs enfants 30 ans plus tard? Moi, c'est ce que je pense. Donc, on va voir leurs enfants en tant que personnages principaux 30 ans plus tard. Donc, voilà. Assez intéressant à suivre. Ça sortira en décembre chez Panini en VF. Je vous conseille de jeter un œil Ah oui, pour effectivement. faire le lien entre les trilogies. Et puis, bah, Panini va faire l'effort, l'exploit, j'ai envie de dire, de sortir ça Très quelques tôt. semaines à peine après la sortie du dernier numéro. En VF avant le film, voilà. À mon avis, il n'y a pas de raison de s'en priver. J'espère que le titre sera autre chose que Journey to Star Wars: The Force Awakens, Shattered Empire numéro 1. Tome 1, ou plutôt, parce que même pas tome 1, sans rien, parce que ça sera un one shot chez Panini. Mais voilà, ça vaudra le coup, à mon avis, de lire ça. Et on va enchaîner et terminer sur les comics VO, sur les news des comics VO. Une semaine hyper calme, puisque semaine de sollicitations. Donc on a surtout les annonces des sollicitations, les séries annulées, les nouvelles séries qui démarrent, etc., les changements. On va juste dire ce qu'on retire de ces sollicitations. Et c'est toi, Arnaud, qui va commencer. C'est pour parler de la nouvelle série de Brian Keoghan chez Image. Donc oui, Winston and Guard, qui avait été annoncé comme une série ongoing. C'est ce qu'on avait compris, en tout cas. Oui, en tout cas, c'était plus ou moins sous-entendu. Finalement, ce sera pas le cas. Ce sera une mini-série en 6 numéros, et donc le 6e sort en décembre. Voilà. Donc c'est la surprise. Donc, est-ce que Kevogan fera plus tard une deuxième Ouais. mini-série? Ça arrive des fois. Peut-être. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, j'avais Après. compris que c'était une ongoing, mais apparemment, en regardant les news de l'époque de l'annonce en janvier, les gens se posaient déjà la question. Après, je suis pas persuadé que. Enfin, moi, je lis ce titre, c'est sympa, mais sans plus, je suis pas persuadé de toute manière qu'un truc comme ça aurait pu vraiment durer sur du très long terme. Ça risquait d'être Vaut assez mieux, je barbant à pense, la. vaut mieux des mini-séries, Ouais, je préfère. avec des gaps dans le temps ou je sais pas Je suis quoi, bien pour d'accord. trouver un Ouais, rythme. non, je suis bien d'accord avec toi. Au moins, Après, on est moi sûr. j'accroche, hein, donc du coup, Oui, moi, je suis un peu je. plus enjoué que toi, mais effectivement, une Non, ongoing, ça après. peut être un peu tiré sur la longueur, quelque chose qui Oui, pourrait non, plaire mais à c'est des ça. Après, je dis que sur long terme, ça pouvait être chiant, mais ça n'empêche que effectivement, c'est. Enfin, il y a un univers, les personnages sont intéressants, donc c'est vrai que c'est. Ça reste quand même du très bon comics, du très bon Kabogan. Donc c'est vrai qu'en savoir que ça va s'arrêter au numéro 6, bah c'est quand même dommage, quoi. Ça aurait Bon, peut-être. après, voilà, Après, la son qualité est film complet derrière. dans sa tête. Au moins la qualité est derrière, et si on a le droit finalement à 6 bons numéros, bah autant que ça s'arrête quand la qualité est là, quoi. C'est ça. Autre chose qui va s'arrêter en décembre, on le savait cette fois-ci, hein, c'est le dernier et enfin, 12e et dernier numéro de The Fade Out, la série de Ed Brubaker et Sean Phillips. Et puis, Clément, gros morceau du côté de chez DC, puisque là, on a un paquet d'annulations qui sont passées dans ces sollicitations avec pas mal de derniers numéros ou alors de séries qu'on ne retrouve plus. C'est ça. Puis globalement des séries qui sont pas enfin des annulations qui sont pas surprenantes parce que les retours étaient pas loin d'être loin d'être terrible. Donc on a ça, je sais, ça va te rendre triste, Mathieu. DC annule Batman 666. C'est un drame. C'est un drame. Je suis en train de une corde là. C'est donc en gros, c'était la série tirée de la série des années 60. Ouais. Donc mais ça aura duré pas mal de temps hein, quand même. Ouais. C'est quand même louable, hein. Je crois que ça dure un peu plus d'un an. Même plus, hein, numéro 30. Non, ouais, même plus. Ouais, ça fait quand on 3 ans, au début de la sortie en Digital First, non, ça fait 3 ans, je pense. Ouais, c'est bien, 3 ans, c'est bien. On a ensuite Sensation Comics, donc là, c'est pas une surprise, parce que de toutes les reviews que j'ai pu lire, il n'y avait pas une semaine qui passait sans que. Ah, un mois plus tôt. De quoi? Donc ça se fasse démonter. Ouais, c'est ça, ça se faisait démonter continuellement. On a aussi un titre Green Lantern, donc Green Lantern Lost Army. Donc là, en commentaire, parce que je sais pas du tout ce que ça vaut. Sympa. Sympa. Sympa. Déçu que ça s'arrête, parce que franchement, c'était un peu frais, enfin, c'était plutôt cool. Ouais. Bon. Je vais pas le pleurer non plus, hein. Oui. Mais... Ensuite, on a Doomed. Ouais, donc, je pleure pas du tout. Alors ça, je te connais absolument pas. Bah, c'est comment Doom est devenu Doom. Enfin, comment, mince, Doomsday est devenu Doomsday. Hein? Comment un jeune garçon bien sous tout rapport peut devenir Doomsday, le méchant, le pire de l'univers? D'accord, ok, ouais, ça peut être du quoi. Ensuite, on a Omega Man, ça on va vite fait l'oublier. Puis l'autre, celui qui suit aussi, on a Lobo, alors celui-là il n'a jamais existé. Non, mais rien que de penser au look qu'ils ont donné. Ouais, c'est clair. Ah non, mon Dieu. Ensuite, il y a Gotham by Midnight, ouais. By Midnight, c'est plus anglais. Et on a, ça, je crois que ça va te faire, cette annulation. Non, c'est celle de Jeff Lemire. Oui, enfin, c'était pas top, hein, mais. Ouais. Ah non, c'est Justice League of America de Brian Hitch, qui, lui, est une catastrophe. Voilà. Voilà, donc 8 annulations du côté de chez DC pour le mois de décembre. Mais le mois de décembre sera aussi le mois béni pour tous les geeks de l'univers, puisqu'on va avoir le début du crossover Batman, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ah oui. Sans déconner. Non, sans déconner. Le numéro 1 arrive. C'est quand la sortie? Décembre, puisque là on entend parler de sollicitation de décembre depuis tout à l'heure, donc finalement c'est plutôt rationnel. Ouais. Celui-là, je vais le précommander de suite. Hein. Ouais, voilà, juste pour le fun, parce que c'est incroyable. Voilà. Je vais pas s'en croiser. Oh là là. Oh là là. Non, mais celui-là, c'est le truc improbable, mais ça doit être, à mon avis, ça va être kiffant. Ça va être. Ouais. Et on a le début de Robin War, qui va débarquer, là, en décembre aussi, avec un Robin War numéro 1. Et puis après, chaque semaine, 4. Enfin, une nouvelle série qui va être liée à Robin War qui va sortir, donc ça sera en gros Robin War un event hebdomadaire, tout simplement. Histoire de faire rentrer plus d'argent. C'est ça. Bah, à la rigueur, vaut mieux qu'il fasse ça sur plusieurs séries plutôt que de te sortir une série de plus. C'est ça. Robin War toutes les semaines. Là, au moins, si t'achètes déjà les numéros du Batverse et puis qui sont plus ou moins liés au Robin, bah, t'as pas trop de trucs supplémentaires à acheter. C'est sûr. Donc bon, après, voilà, moi c'est quelque chose Robin War que j'attends aussi. Donc, ah, moi. J'ai un peu hâte de voir ce qui va se passer de ce côté-là. Et puis, dernière chose qu'on peut tirer de ces sollicitations, c'est le retour chez Image des Image First. Donc on a régulièrement des vagues de titres comme ça. Donc Image First, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est des numéros 1 de série Image qui ressortent pour $1. Ah, donc, c'est cool, ça. On va avoir, parmi les inédits, entre guillemets, Birthright, Beach Planet, Copperhead, Descender, The Humans, Nowhere Men, Odyssey, Sunstone, qui vient de sortir en VF chez Panini, Wayward. Donc, tous ces numéros-là seront à $1 le 2 décembre. Et puis, on va avoir des anciens Image First qui avaient bien fonctionné, qui vont ressortir, du coup, là aussi le 2 décembre. On aura Black Science numéro 1, Deadly Class, East of West, Lazarus, Phonogram, Pretty Deadly, Rat Queens, Sex Criminals, Thousand Bastards, Spawn, Velvet, The Walking Dead et The Wicked and the Divine. Voilà, donc ce qui fait 13 numéros qui vont être réimprimés, et puis on peut en rajouter 8, 9, 10, soit quasiment nouveaux. Donc voilà, ça fait pas mal de numéros à 1$, des numéros 1 pour découvrir les séries. Initiative sympa d'Image, surtout qu'après, si on veut découvrir un peu plus de ces séries, bah, les premiers TP sont à 10$. Genre Defender, quoi. Genre Defender, genre Birthright, qui est génial aussi. Sunstone, j'entends que du bien, donc pourquoi pas. Et puis bah, on a les Lazarus, on a Sex Criminals, Weekend's Divine, Walking Dead, enfin plein de bons titres, voilà, pour 1$. C'est assez cool comme initiative. Ouais. Voilà qui conclut notre émission de cette semaine, ce 22e numéro du MAG. On se retrouve cette semaine pour une semaine un petit peu allégée par rapport à l'habitude concernant les podcasts, puisque la Pâte à One Edition ne sera plus désormais présente toutes les semaines. Il n'y en a donc pas cette semaine. On se retrouve jeudi pour Sur nos écrans numéro 22. On l'a dit plus tôt dans l'émission consacrée à Gotham. Et puis on se retrouve lundi sur la page YouTube pour la sélection VF et mardi prochain pour un nouvel épisode du MAG. Sachez que s'il n'y a pas d'émission de la Pâte à One Edition de dimanche, vous ne serez pas sans rien, puisque vous aurez enfin droit à une vraie belle version de la finale des Infinite Wars. On se retrouve bientôt jeudi pour les fans de Gotham ou pour les mazos, je sais pas. D'ici là, bonne lecture. Salut. Salut. Salut.